Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Et voilà, c'est les amis du Grand Démo qui sont de retour sur Radio Clapas 93.5 sur Montpellier et sa région. Alors, aujourd'hui, autour de cette table, pour parler livres et littérature... Du monde. Du monde, oui, parce qu'on va, on va voyager, je vais l'exposer rapidement. Nous recevons Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Françoise. Bonjour. Laurence. Bonjour. Christian, bonjour, et Marc qui en ce moment occupe le micro. Alors, on va un peu voyager, on va aller du côté de la Colombie avec un auteur qui s'appelle Dario Jaramillo. J'oublie toujours le troisième, la suite du nom. Agudelo. Agudelo, voilà, pour la mécanique d'un homme heureux. Nous reviendrons en France pour le passe-miroir. C'est Christelle qui, c'est Mathilde qui nous en parlera, un livre de Christelle Dabos. Oui. Voilà. Et puis on parlera aussi d'une histoire buissonnière de la pluie par le grand historien Alain Corbin. On vous parlera d'un auteur espagnol assez fantaisiste et tout à fait intéressant, Pablo Martín Sánchez. Un autre auteur espagnol nous occupera aussi, Fernando Clemo, qui est par ailleurs directeur d'une des plus prestigieuses revues littéraires espagnoles, Quimera. Puis Peter Hanke, voilà. Qui n'est pas espagnol, non, voilà, on peut le préciser. Et puis nous terminerons avec Stéphane Vanderag, donc un auteur français du Nord. Et puis un auteur un peu plus lointain, un peu plus ancien, un certain Vladimir Mayakovsky. Oui, à l'occasion de la nouvelle édition d'une anthologie. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être tout de suite commencer à aller du côté de la Colombie, hein, avec Laurence, qui est Laurence Olvaët, qui est la traductrice, on veut dire même... Tu l'as fait plus que traduire. Tu as découvert ce livre, un livre de Dario Jaramillo Agudelo, il y a quelques années. Et puis tu as eu l'envie de le traduire, tu l'as traduit. Ouais. Et puis, ça y est, au bout de quelques années... Cinq ans. Voilà. Il est publié en France par un éditeur que nous avons reçu à ce micro, qui est les éditions Yovana. Avec Julien Poujol, si je ne me trompe pas. Voilà. Et oui. Alors. Ils sont basés à Bagnols-sur-Cèze. L'éditeur qui a Bagnols-sur-Cèze. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet écrivain qu'on découvre complètement, qu'on ne connaît pas du tout en France, qui pourtant a pas mal publié en Colombie En fait, voilà, m'est tombé Histoire de lectrice il y a 5 ans, un livre en espagnol que j'ai découvert d'un Colombien complètement inconnu. Ça s'appelait Memorias de un hombre feliz. L'auteur complètement inconnu, Dario Jaramillo Agudelo. Donc, si on traduit fidèlement Mémoire d'un homme heureux. Voilà. Alors, bon, là, il y a une petite entorse dans la traduction. On a mis Mécanique d'un homme heureux, mais tout s'explique, en fait. Et c'est plutôt une belle entorse. Moi qui ne suis pas très favorable à ce genre de modification. Oui, je trouve que ça fonctionne bien, ouais. Effectivement. Mais tu nous expliqueras un petit peu pourquoi. Et donc, en fait, ben, Dario Jaramillo, j'ai découvert, puisque j'ai fait quelques recherches. Ma lecture a été tellement passionnante que j'ai commencé à enquêter. Et donc, ce n'est pas un inconnu en Colombie, c'est un inconnu en France, oui, ça c'est sûr. Pas en Espagne, puisqu'il est publié, il a la chance d'être publié par une belle maison d'édition qui s'appelle Pretextos. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu avoir un de ses livres entre mes mains. S'il n'avait été publié qu'en Colombie, il nous aurait complètement échappé. C'est pas un tout jeune venu, puisqu'il est né en 1947, il vient de fêter ses 70 ans. 1947, même génération que Alphonse Cervera, voilà. Par exemple, et que, il y a beaucoup d'autres, Jaume Cabret aussi, voilà. Quelques grands auteurs qui sont nés cette année-là. Ouais. Et en fait, j'ai découvert qu'avant d'être un romancier, puisque là c'est un roman qui nous occupe, c'est d'abord un grand poète. Et comme les hasards font bien les choses dans cette affaire, même si j'ai mis 5 ans avant de trouver, avant de réussir à trouver un éditeur qui parte dans cette aventure, eh bien justement, le mois où nous sortons en France son roman, il vient de recevoir le Premio Nacional de Poesía de Colombia. Il a reçu donc le Prix National de Poésie de Colombie, comme quoi c'est quand même une pointure, on va dire, en termes d'écriture en général et de poésie en particulier. C'est un auteur qui a été traduit dans d'autres langues ou pas du tout? Alors si, mais pas sur des petits. Il a un roman qui a été traduit en anglais, qui a été publié aux États-Unis. Il a de la poésie qui a été traduite en italien. Actuellement, puisque nous lui avons posé la question récemment, il travaille avec un auteur gallois qui fait une anthologie de sa poésie en anglais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très discret, qui aime pas, qui est pas très intéressé par la vie publique. S'il y a anthologie, enfin, je m'empresse de dire que moi je ne l'ai pas lu, donc je le découvre comme nos auditeurs. S'il y a anthologie, c'est qu'il y a déjà plusieurs volumes de textes poétiques qui existent et qui ont été édités. Donc, oui, il y en a 8. Ouais. Il y en a 8, oui, voilà. Il a écrit 7 romans, 8 recueils de poésie, 4 livres pour enfants, des critiques littéraires, des anthologies, des essais. C'est un homme qui se définit comme un écrivain. C'est l'écriture qui le passionne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que peut nous dire de ce roman-là? On a présenté un peu l'auteur. Alors, je tourne aussi vers Françoise qui peut compléter, puisque je sais que tu l'as lu en version originale il y a déjà quelque temps. Qu'est-ce que c'est que cette mécanique d'un homme heureux? Pourquoi qu'est-ce qu'un homme heureux et pourquoi la mécanique? Voilà. Alors, cet homme heureux, c'est un homme qui est à la retraite, donc voilà, qui approche déjà, qui a une vie derrière lui et qui peut donc se retourner sur son passé. Et il s'agit d'un ingénieur, c'est un ingénieur à la retraite. Et c'est un ingénieur qui toute sa vie a été passionné de mécanique et qui n'a été intéressé que par la mécanique. Tout ce qui passait autour de lui, il ne maîtrisait pas, mais en fait, ça ne l'intéressait surtout pas de maîtriser. Ce qui l'intéresse de maîtriser, c'était ses machines et sa mécanique. Même la musique, il arrive à la détester parce que ça l'empêche d'écouter les bruits de la mécanique qui fonctionne et des machines qui lui parlent. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très, on va dire, un poil psychorigide. Hein, Françoise, un peu monomaniaque. Hein, monomaniaque. Oui. Il fallait lui conseiller la musique concrète. Et donc voilà. Et donc cet homme-là consacre sa retraite, qu'on devine veuf. Il la consacre à la mécanique des montres, voilà, l'horlogerie. Il est passionné par l'horlogerie. Donc, et puis un jour, un beau matin, il y a un truc qui titille. Il ne sait pas quoi. Il y a quelque chose qui le dérange et ça. Voilà, ça ne colle pas avec sa vie, qui est d'habitude limpide, il est heureux avec ses montres, etc. Et ce truc qui le dérange, il va essayer de façon un peu systématique, un peu mécanique, hein, on va le dire, de déterminer ce que c'est. Et en fait, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui le pousse à raconter sa vie et à raconter comment il se trouve heureux et il voudrait raconter comment il a atteint ce bonheur et comment est-ce qu'il est arrivé à cet état de béatitude, comme il dit. C'est ça, comme s'il démontait une mécanique, voilà. Comme s'il nous expliquait sa vie comme une mécanique. Alors, question du naïf de service, hein. Est-ce que la mécanique horlogère, dans la minutie qu'elle suppose, est-ce que ça se retrouve dans l'écriture de cet auteur? Oh oui, voilà. Donc l'écriture de Dario, c'est... Alors moi, il y a sa poésie qui est très... c'est presque des haïkus pour la plupart de ses poèmes. Il en a quelques-uns en prose, mais la plupart sont vraiment... Il aime la concision, il est... Voilà, c'est un auteur de l'intime aussi. Donc il est très orienté sensation, perception, etc. Et là, ben, il va essayer de décortiquer. Donc, en fait, il a un langage qui est... À traduire, c'était assez simple sur le point de vue du lexique. Voilà, je n'ai pas cherché beaucoup dans le dictionnaire. Par contre, il a des phrases qui sont très, très élaborées et qui, parfois, sont un peu difficiles à... Voilà, il fait des longues phrases dans certaines circonstances. Dans d'autres, c'est très court, c'est très laconique. Mais voilà. Et en fait, là, par rapport au protagoniste, oui, c'est très, très, c'est très, très articulé, on va dire. Il a des raisonnements qui sont des fois complètement farfelus. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est l'humour au second, troisième, quatrième, cinquième, dixième degré. Parce que voilà, il décrit quand même... Parce que qu'est-ce qui rend cet homme heureux ? Qu'est-ce qui a rendu cet homme heureux ? Un des ingrédients principaux de son bonheur, c'est que sa vie a été heureuse et est arrivée à un certain moment. Il a réalisé que pour qu'elle continue à l'être, il fallait qu'il tue sa femme, voilà, qu'il assassine sa femme. Et donc, il a assassiné sa femme. Je ne dévoile rien, puisque lui-même nous le dit dès le premier chapitre. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il y a une espèce de façon de décortiquer la mauvaise foi humaine qui est particulièrement réjouissante. Moi, j'ai trouvé ça... Voilà. À un moment, je me suis dit quand même, on parle d'un meurtre conjugal, c'est pas très... C'est gênant, c'est... Voilà, c'est pas beau, c'est... etc. Mais il le fait avec une... Justement, il démontre avec une telle limpidité comment est-ce qu'un cerveau un peu malade peut... Enfin, un peu malade, mais en même temps, on s'y retrouve tous dans ces façons de... Voilà. Peut réussir à justifier l'injustifiable. Comment on arrive, chacun d'entre nous arrive à justifier des choses qui sont complètement injustifiables si on en regarde de façon un peu objective. Voilà. Oui, voilà. Avec en même temps un regard sur la société colombienne qui est aussi assez cruelle. On rappelle le titre, l'auteur et l'éditeur, s'il vous plaît. Donc, oui, puis une nouvelle voie pour nous. Oui, dans la littérature sud-américaine et colombienne, et d'un style qu'on n'associe pas forcément à ces littératures-là. Hein? Alors, Dario Jaramillo Agudelo, yes. Mécanique d'un homme heureux, et c'est traduit par Laurent Solvette, et c'est aux éditions Giovanna. Parfait. Que je remercie encore ici publiquement de s'être lancé dans cette belle aventure. Il l'a fait avec un grand enthousiasme, apparemment. Oui. Alors, nous allons passer à tout à fait autre chose. Enfin, on va voir si c'est si différent que ça. Dans notre séquence jeunesse, littérature jeunesse, comme on dit chez les libraires et les éditeurs, Mathilde va nous parler d'un livre de Christelle Tabos, La passe miroir. Alors... Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est Alice au Pays des Merveilles qui revient ou c'est... Pas vraiment. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie. Elle devait se marier avec un homme, mais elle n'en a voulu aucun. Et en fait, on décide de l'envoyer sur une autre arche, parce que dans son monde, on vit sur des arches. Et ça, chaque arche appartient à une famille. Cette famille... Donc c'est une grande famille, hein. La famille constitue la population de l'Arche, et elle est gouvernée par un esprit de famille, et donc cet esprit a un pouvoir qu'il a transmis à tous les membres de cette grande communauté, et donc chaque Arche a un pouvoir particulier. Donc par exemple, sur l'Arche d'Ophélie, elle arrive à faire bouger les objets juste par la pensée, et... Dans ce pouvoir, il y a plusieurs déclinaisons. Donc en fait, dans sa famille, c'est plus tout ce qui est manuel. Et Ophélie, c'est le genre de fille très discrète qui ne demande qu'une chose, c'est de ne pas être embêtée. Et sauf que par ce mariage, on vient la déranger en quelque sorte dans son monde bien à elle. Ophélie, elle tient un petit musée, sur son arche. Et on vient l'en déloger, donc ça ne lui plaît pas. Et donc pour la punir, on décide de la marier à un homme d'une autre arche. Et donc en fait, c'est toute son aventure, comment elle va sur cette arche, comment la vie se déroule là-bas. Il y a plein d'autres codes. En fait, au début de l'histoire, on n'a pas les bases. C'est-à-dire qu'il faut attendre vraiment que le récit se déroule pour qu'on nous donne un peu le cadre de l'histoire. Autrement, on est un peu baigné dans l'incertitude... Mais j'ai trouvé ça plutôt plaisant, en fait, parce qu'on essaye de deviner un peu à quoi correspondent tous ces pouvoirs, toutes ces nouvelles choses qu'on découvre, en fait. Et vraiment, à partir du moment où on est plongé dans la lecture, enfin, pour ma part, j'ai pas réussi à vraiment décrocher. L'auteur, elle nous plonge sans cesse dans des rebondissements sans fin, et c'est toute une péripétie, en fait, qui est vraiment incroyable. Et c'est en plusieurs volumes, tu nous disais. Oui, c'est en plusieurs volumes. Le premier est sorti en janvier 2014. Le deuxième, je ne sais pas exactement. Je crois que c'était en juin 2015, il me semble. Et donc le troisième est sorti au début de l'été dernier. Et donc c'est à cette période-là que je l'ai découvert. Ou peut-être un peu avant, je ne sais plus. Mais moi, c'est au début de l'été dernier que je l'ai découvert. Et j'ai lu le premier tome. Ensuite, j'ai emprunté le deuxième. Et on a dû tout de suite acheter le troisième parce que c'était pas possible, c'était pendant l'été et je pouvais vraiment plus m'arrêter. Et vraiment, enfin là du coup, le quatrième est pas encore sorti et moi vraiment je trépigne. Il y a une attente, hein, on sent qu'il y a une attente fébrile et que les parents n'ont plus qu'à faire des économies, si j'ai bien compris. À moins que ce soit ton argent de poche. Les livres, j'arrive à négocier. D'accord, voilà. Voilà, donc un conseil du coup à nos auditeurs. Négociez avec votre entourage pour obtenir les livres. La passe miroir. Oui, de Christelle Dabos, Christelle aux éditions Dabos. Gallimard. Et c'est chez Gallimard. Il y a une collection jeunesse, une des plus importantes collections jeunesse en France, c'est Gallimard. Mais en fin de compte, si j'ai bien entendu, parce que ce livre-là non plus, je ne l'ai pas lu. Tu vas me dire, donc si j'ai rien lu, c'était pas. Enfin bref, bon voilà. Mais on a précédemment un homme qui assassine sa femme, un meurtre matrimonial, et là on a une jeune fille qui fuit le mariage. Hein? Donc, bon. Tu aimes bien trouver ces correspondances. Alors, est-ce qu'il y a une correspondance avec la musique que tu nous proposes ? Je vous dirai ça après. Thank you. Duende, beau disque d'Avishai Cohen avec le pianiste Nitei Hershkovitch. Et comme par hasard, ce titre s'intitule Signature. Signature. Alors maintenant, on va s'intéresser à la signature d'un historien, Alain Corbin, oui. Un historien prestigieux qui a beaucoup publié et qui s'intéresse aussi au monde contemporain à travers l'histoire. Ce qui est... oui. On pourrait dire d'Alain Corbin, je crois, sans trop se tromper, effectivement, c'est un historien prestigieux, que c'est quelqu'un qui pratique, d'une certaine façon, une forme de socio-histoire. Je m'explique. Il a beaucoup travaillé, par exemple, sur l'histoire des odeurs, hein, ce qui est un petit peu particulier. Il a beaucoup travaillé aussi sur l'attrait du vide, que l'on retrouve dans la peinture, la littérature, et que chacun d'entre nous, d'une certaine façon, et oui, chacun à sa manière, connaît. Un de ses classiques s'appelait « Le territoire du vide », si voilà, je me souviens bien, fait. Où il parlait des voilà. côtes et de la mer. Exactement. Voilà. Il a le titre pour le livre concernant l'odorat, c'est un très beau titre, c'est « Le miasme et la jonquille hein ». Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une chanson de Brassens, qui dit quelque chose comme ça. Je dis ça un peu de mémoire, vous m'excuserez si je l'écorche. Il part de ces pays imbéciles où jamais il ne pleut. Je crois que ça doit être dans le Marchand de Paratonnerre ou quelque chose c'est comme ça. Ça hein, voilà. Eh bien, là, nous avons une histoire, pas n'importe quelle histoire, une histoire buissonnière, c'est-à-dire une histoire qui a des efflorescences qui sont comme ça partagées à travers la poésie, à travers la littérature, et où l'on voit qu'on passe de la pluie qui génère le spleen chez Baudelaire, par exemple. Hein. Je crois que Baudelaire, c'est un petit ces peu... immenses traînées. Voilà, je crois que Baudelaire, c'est un petit spleen. Peu la matrice de la façon dont nous concevons le temps gris et la pluie. Alors que si nous étions agriculteurs, eh bien, nous ne pourrions, à l'heure actuelle, que ne la souhaiter, la pluie, surtout dans notre région. Je suis toujours dérangé, moi, par la météo. On nous dit, il fait beau voilà. quand il y a du soleil. Mais des fois, c'est insupportable, le soleil. Voilà. Il y en a trop. Et alors, c'est bien plus beau quand il pleut, parfois. Alors, tu nous parles de cette sorte d'obsession météorologique qui est la nôtre à l'heure actuelle. Quand nous nous rencontrons, nous échangeons sur deux thèmes. Un, ça va. Deux, tu as vu, il fait beau. Ou alors, zut, il pleut. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Donc, cette histoire buissonnière de la pluie, je vous la recommande parce que, d'abord, c'est une belle édition, édition de poche, soignée, chez l'édition Champ, Flammarion. Et puis, je vais vous donner simplement quelques titres de chapitres qui sont, à mon avis, assez évocateurs. Par exemple, « Politique du mauvais temps ». Hein, voilà, ça donne envie quand même. « Simple rare et bonne fontaine ». Aussi, hein. Des invocations aux prévisions. Voilà. Alors, on y rencontre Shakespeare, on y rencontre Victor Hugo, on y rencontre George Eliot, on y rencontre bien évidemment Émile Verhaeren, La pluie, un poème célèbre, on y rencontre Arthur Rimbaud, on y rencontre Jacques Prévert, et on y rencontre, c'est plus inattendu, L'herbe de Claude Simon. Je vous recommande Alain Corbin, Histoire buissonnière de la pluie, collection Champ Flammarion. Voilà, un petit livre en plus. Et c'est oui. vrai qu'Alain Corbin, historien des fonds, dit « Oulala, ça va être casse-pied à lire ». Non, c'est quelqu'un qui a une qualité d'écriture. Et de. C'est très plaisant. Quand tu dis les références, on voit que ce n'est pas les références ordinaires d'un historien. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu d'histoire aussi, d'une autre façon aussi atypique d'aborder l'histoire. Avec un jeune écrivain espagnol que vous avez peut-être croisé à Montpellier parce qu'il était à la dernière Comédie du Livre où il était venu avec les éditions de la Contre-Allée, qui s'appelle Pablo Martín Sánchez. Et le livre dont je vais vous parler s'appelle en français « L'instant décisif ». Hein, le titre espagnol est sensiblement différent, peu importe. Qu'est-ce que c'est que l'instant décisif ? Alors ce qu'il faut préciser, c'est que rapidement, c'est que Pablo Martín Sánchez est un écrivain qu'on rattache à un mouvement très français qui s'appelle l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Ces écrivains qui se sont amusés, alors ça a été créé par François Le Lyonnais et Raymond Queneau, qui trouvent des formes, des structures et qui jouent avec les règles et les structures du langage. Qui se donnent des contraintes. Ils se donnent des contraintes. Bon, la plus célèbre, c'est. Qu'on cite toujours en exemple, c'est ce qu'ils ont baptisé le lipogramme, c'est-à-dire faire disparaître une lettre d'un texte. Et Georges Perec, qui faisait partie de ce groupe, a fait une petite performance avec un livre de 300 et quelques pages qui s'appelle La disparition. Il n'y a pas de lettre dans E. Lequel il n'y a aucun E. Hein, voilà. Donc, ce qui est en français, jouer au Scrabble, vous voulez essayer de jouer au Scrabble sans le. Si vous faites un tirage de cette tête, vous n'avez pas un seul E, vous mettez les mains sur la tête en général. Voilà. Alors, il fait partie de ce groupe. C'est le seul écrivain espagnol qui a été admis, parce que c'est ils sont admis par cooptation hein, entre eux. L'instant décisif, ça se passe sur une journée. Alors, c'est un roman déjà qui se passe en récit. Un récit, non pas un récit. 6 ou 7 récits qui se croisent pendant une journée de 0h à minuit. Ça commence avec la naissance d'un enfant qui est sur le point de naître. Hein, il est encore dans le ventre de sa mère dans le tout début du récit. Et puis, on va avoir la nuit, et puis le matin, et puis le milieu de la journée, et puis l'après-midi, et puis le soir, puis de nouveau la nuit. Et on est en fait en 78. Hein, on aura des indices qui nous donneront le jour exact, hein, qui est un jour de mars 78, en pleine transition démocratique en Espagne, hein, ce qu'on a appelé la transition démocratique. Je dis ce qu'on a appelé parce qu'elle n'est pas sûre qu'elle soit tout à fait réussie. Hein. Il semblerait qu'il y ait quelques petits problèmes. On le voit dans l'actualité en ce moment. Et ces personnages, ils vont être assez bizarre. On va voir cet enfant qui naît, qui va revenir un petit peu. Lui, il ne va pas dire grand-chose, mais c'est le 7e personnage, je dirais. Et puis, on a une jeune fille, on a sa mère, on a un homme d'affaires, on a un chien qui va s'échapper, un lévrier qui est condamné à courir et qui va réussir à s'échapper du synodrome. Et tous ces personnages vont développer un ensemble de réflexions. On a même une vieille dame qui court derrière le chien. Non, elle ne court pas derrière le chien. La pauvre, elle est un peu réduite à l'histoire de... Vous savez, l'histoire de Dorian Gray, ça vous dit quelque chose? Le portrait de Dorian Gray, ben voilà, elle, c'est un portrait. Et un peu comme le portrait de Dorian Gray, ben on va la débarrasser, on va le remplacer par un autre. Bon, voilà. Et elle a ses réflexions de portrait, elle a un peu la manière des portraits dans les romans d'Harry Potter, hein, qui ont leur propre vie. Quoi, voilà. Et tous ces personnages, au début, c'est des histoires complètement éclatées. On se demande, mais quel rapport ça a entre eux? Et puis, petit à petit, on va voir que la petite fille, le chien, ben, il va se tisser quelque chose entre les deux. Et puis, et ainsi de suite, on va voir tous les liens vont se tisser entre tous les personnages jusqu'à avoir un récit, je dirais, tout va se retrouver à la fin. Alors, l'intérêt, c'est que c'est un regard en même temps sur la société espagnole de ce temps-là, avec des critiques très fortes aussi. Il y a une critique sociale. Au-delà du jeu d'écriture, il y a une critique sociale, politique, idéologique, sociologique de l'Espagne de la transition. Et c'est absolument magistral. C'est drôle. On s'y amuse beaucoup. On rit. Et en même temps, il y a une profondeur de récit. Donc, Pablo Martín Sánchez, L'instant décisif, aux éditions de la Contralée. Et je ne veux pas oublier le traducteur, je crois que c'est Jean-Marie Saint-Luc. C'est Jean-Marie Saint-Luc. Voilà. Et puis, ben voilà, je reste avec Pablo Martín Sánchez. Et puis, ben, on va mettre un petit peu de musique. C'était donc un extrait d'un disque tout récent qui fait se rassembler dans la même musique, dans le même amour de la musique, parce que c'est vraiment ça qui émane de ce disque. Hérel Besson à la trompette, Édouard Ferlet au piano, Stéphane Kéréki à la contrebasse, Stéphane Kéréki qui est vraisemblablement, à mon avis en tout cas, un des meilleurs contrebassistes européens actuels. Ce disque s'intitule ARS et c'était le titre est Es ist vollbracht, c'est-à-dire c'est fait, c'est plié, voilà, ça s'appelle comme ça. Alors, c'est plié. Non, c'est pas plié. L'émission n'est pas pliée encore. On va rester en Espagne, malgré un titre allemand, avec un auteur qui a pareil, a pas mal publié en Espagne, mais c'est son premier livre traduit en français. Fernando Clemo, Polaris, chez Actes Sud. Alors, Françoise, oui. Que peux-tu nous en dire ? Alors, c'est un livre un peu étrange parce qu'un auteur espagnol, effectivement, mais qui nous emmène bien loin de l'Espagne, hein, puisqu'il nous emmène dans le Grand Nord, au large de l'Islande, dans un endroit complètement perdu, fort inquiétant, où le livre s'appelle Polaris. Hein, Polaris, c'est l'étoile polaire. C'est aussi le nom d'un bateau qu'on ne verra jamais dans le roman, qui est une sorte de bateau fantôme. Et l'histoire se déroule sur un autre bateau qui lui aussi est un bateau un peu étrange où il se passe des choses encore plus étranges et voire angoissantes. Nous assistons au début du roman à une sorte d'interrogatoire. Un personnage qui s'appelle Christian, dont nous apprenons qu'il est médecin, le médecin du bateau, est interrogé par des gens étranges. Et à cet interrogatoire assistent deux personnages. L'un parle et l'autre est dans l'ombre, et est une ombre angoissante. Et puis dans ce bateau, le personnel est enfermé, ils sont tous enfermés dans leur cabine, et on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, que s'est-il passé sur ce bateau ? On l'apprendra au cours du récit. L'infirmier, l'assistant de ce docteur qui s'appelle Christian, a été assassiné et retrouvé crucifié sur le mât de l'un des mâts du bateau. Et donc, c'est cet interrogatoire auquel nous allons assister pendant toute la durée du récit, mais qui nous amène, qui nous ramène également à un épisode de la Seconde Guerre mondiale, parce que ce docteur Christian a été mêlé du côté allemand à un épisode en Crète de la Deuxième Guerre mondiale. Il a en lui l'image d'un de ses compagnons d'infortune. Ils ont été obligés de sauter d'un avion pour échapper à un bombardement, et l'un de ses compagnons est retrouvé crucifié sur un arbre. Donc il y a ces images qui sont un petit peu hallucinatoires, qui se retrouvent au décours du récit. Et puis le personnage est confronté de nouveau à son enfance, parce que son esprit est extrêmement embrouillé. Il est sous l'emprise de médicaments et il y a une image de son enfance qui réapparaît de façon récurrente, qui est les rapports qu'il avait avec son frère, qu'il a peut-être tué ou seulement tenté de tuer. Enfin, tout ça est assez étrange. On est dans les brumes du Nord, hein, dans un lieu complètement... Les brumes et la nuit, même. Oui. Et puis, il y a eu... Cette enquête a été diligentée par la centrale, hein, qui dirige tout, qui commande tout. Donc, on ne sait pas exactement quelle est cette force occulte qui semble diriger le monde. Enfin, c'est un récit qui est vraiment extrêmement bien construit, parce qu'on ne sait jamais... si c'est quand on est dans le récit ou quand on est dans le dialogue. Mais c'est en même temps extrêmement fluide. Donc, on a un petit peu de mal à y entrer au départ, mais une fois qu'on y est entré, on n'arrive pas à s'en défaire. Hein, c'est un petit peu comme le récit dont nous a parlé Mathilde. Hein. Et c'est extrêmement prenant. Et c'est un petit peu, je dirais, une sorte de thriller métaphysique. Hein. Voilà. Voilà. Donc Polaris, qui est sorti chez Actes Sud. Voilà, au mois de septembre. Au mois de septembre, dans une traduction de Claude Bleuton, oui. Si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc un auteur, retenez le nom, hein, oui. Fernando Clémot. J'espère qu'il y aura d'autres choses de publier, oui. Notamment un très beau recueil de cuentos, comme oui. On dit en espagnol. Il a écrit des nouvelles, effectivement, dont un recueil qui s'appelle « Le langage des noyés » et qui, également, on retrouve un peu le même style. C'est assez envoûtant, hein, ce qu'il voilà. écrit. Donc, procurez-vous déjà ce volume chez votre libraire. Il peut être, normalement, j'ai pu le rencontrer, on a pu avoir un entretien assez conséquent, donc on diffusera cet entretien dans une prochaine émission. Allez, on avait un titre en allemand, c'est pas pour rien, c'est que Christian nous préparait à nous entendre, à ce que nous l'entendions parler, pardon, de Peter Handke. Oui, Peter Handke qui néanmoins vit en France depuis pas mal d'années, mais qui est effectivement un immense écrivain de renommée internationale, d'origine allemande, bien entendu. Alors, il est né en Carinthie, Peter Handke, à Griften, exactement. Et c'est où la Carinthie ? Alors, la Carinthie, mon cher, c'est un de ces pays lointains que tu ne m'imaginerais jamais. Je n'imaginerais jamais, excusez-moi, atteindre un jour dans ta courte vie. Voilà. Donc, c'était donc la Carinthie. C'est vrai qu'il y a un côté romanesque dans cette affaire-là. Hein. Je suis né en Carinthie. Bon, voilà. Donc, si vous vous souvenez, je n'imagine pas le contraire, des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Qui n'était pas né en Carinthie. Qui n'était pas né en Carinthie, mais qui a écrit ce livre, je crois, quand il vivait à Montmorency, dans la région parisienne, et qu'il se promenait dans la forêt de Montmorency. Si vous vous souvenez de ce livre, vous aurez une petite idée de ce qui se passe dans cet ouvrage de Peter Handke qui s'intitule « Essai sur le fou de champignons ». Il y a un sous-titre qui n'est pas neutre, « Une histoire en soi ». Alors, chez Peter Handke, je ne voudrais pas être un petit peu trop mécaniste, mais il y a différents pans de son œuvre. Hein. Il y a le théâtre, évidemment, qui est très connu, qui a été de nombreuses fois joué en France et dans le monde entier. Bon, il y a ses romans, dont on peut retrouver les biographies sur tout bon site qui se respecte et dont on peut trouver des exemplaires à la librairie du Grain des Mots à Montpellier. Et il y a aussi ce pan-là de son écriture qui concerne des petits faits de la vie quotidienne à laquelle il attache toute son acuité, toute son attention. Je vais vous donner deux exemples. Vous avez Essai sur le lieu tranquille. Si vous êtes un peu curieux, vous irez voir ce qu'est le lieu tranquille. Je ne vous en dis pas plus. Il y a l'essai sur la journée réussie. Il y a l'essai sur le jukebox. Il y a l'essai sur la fatigue. Il prend comme ça des thèmes qui paraissent un peu hétéroclites, mais qui en fait ne le sont pas vraiment, puisqu'il y a une logique dans sa façon de les concevoir, de les harmoniser, de les assembler. Et là, eh bien, bon, c'est écrit en mémoire, en tout cas, à un de ses amis qui était un grand amateur de champignons, et il se le remémore, il se promène en forêt, et il nous dit la chose suivante. Et de nouveau, ça devient sérieux, me disais-je tout à l'heure, malgré moi, avant de me mettre en chemin vers ma table, où je suis assis maintenant, avec l'intention d'apporter une certaine, ou incertaine, clarté à l'histoire de mon ami disparu, le fou de champignon. Et dans le même temps, je me disais malgré moi, c'est pas possible. Tout ce sérieux au moment d'aborder, écrire une chose qui, quoi qu'il en soit, ne va pas changer la face du monde. Une histoire qui, en préambule, mais bon, qui pour une fois est à sa place, à cet essai, m'a fait revenir à l'esprit du titre d'un film remontant à plusieurs dizaines d'années avec Ugo Tognazzi, dans le rôle-titre « La tragédie d'un homme ridicule ». Pas le film lui-même, juste le titre. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je fais confiance à votre nécessaire et évidente curiosité, Peter Handke, essai sur le fou de champignons, une histoire en soi. Et je vous rappelle que Peter Hanke est né en 1942 en Carinthie. Musique. Et c'était donc le trio Lalys. Alors, Lalys, ça signifie quoi ? Eh bien, c'est Sébastien Lalys qui tient le piano, Olivier Chabas à la contrebasse, Alain Solaire à la batterie, il y a Raphaël Imbert sur un autre titre que l'on entend saxophone et clarinette, et quand même, ce disque a été enregistré au Centre culturel René Char, voilà qui devrait nous convenir, à Digne. Hein. Le titre, c'était tout simplement « Rain ». La pluie, on en a parlé. La pluie. Alors, ben moi, je vais vous parler du beau temps. Pluie, mais non, pas du beau temps. À tous les airs. Donc, on reste dans les éléments météorologiques, apparemment. Et je me dis comment je vais vous en parler. Parce que c'est un roman assez roman. Je ne sais pas si même le mot convient. C'est assez étrange. Alors, l'auteur. L'auteur, c'est Stéphane Van der Hag, qui est un jeune auteur qui doit avoir, il y a moins de 40 ans, il doit avoir la trentaine, qui enseigne la littérature américaine, la traduction, qui est aussi passionné de cinéma, donc qui est du nord de la France, et qui a commis, si je puis dire, deux récits, ouvrages, je ne sais pas comment il faut les appeler, chez un éditeur qui est un petit peu fou, qui est Kidam. Kidam, c'est un de ces éditeurs qui publie livre, on se dit, mais personne n'oserait publier ça, il faut être complètement, je ne sais pas quoi, pour se lancer dans cette publication-là. Alors, il y avait un premier livre qui s'appelait Charognard. Alors, Charognard, bah, j'en dis juste, alors, ça, c'est... Charognard, faudrait prononcer, parce qu'il y a le haut danois qui apparaît au milieu d'un titre français, vous savez, le haut barré. Bah, c'est un livre c'est un manuscrit qui a été retrouvé, écrit par un homme qui a été le seul survivant dans une ville envahie par les oiseaux. Tiens, je vous disais cinéma, Hitchcock. Mais c'est des oiseaux qui le présentent au départ. On a un discours des oiseaux qui présentent ce manuscrit qu'ils ont trouvé. C'est la conférence très des bizarre. Oiseaux. C'est un petit peu ça, voilà. Et puis c'est très bizarre. On a un livre, enfin, un récit assez angoissant. Et en fait, cet homme-là, qui n'a plus que des oiseaux autour de lui, va perdre le langage. Et le texte va se trouer de plus en plus jusqu'à s'effacer. Et donc, on a les dernières pages du livre qui sont noires. Donc, vous voyez, un livre qui s'efface, c'est pas tous les jours qu'on trouve ça en librairie. À tous les airs, il a réédité là tout récemment avec À tous les airs. Il y a un sous-titre qui n'est pas du tout anodin, ça s'appelle Ritournelle. Alors, À tous les airs, c'est quoi ? On a un narrateur ou plusieurs narrateurs qui essayent de raconter quelque chose. En fait, c'est un inspecteur de police, alors on a cette entrée-là, qui essaye d'enquêter sur quelque chose. Sur quoi ? Ben sur quoi ? Il y a des dénonciations par un corbeau, mais on n'y comprend rien, il n'y a aucun fait réel. Il y a un cimetière qui est très important dans cette affaire-là. Tout tourne un cimetière. Et puis une femme, on ne sait plus trop. D'ailleurs, elle change tout le temps de nom. Vous savez, c'est un peu comme dans le poème de Verlaine, qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Donc les personnages n'arrêtent pas de changer de nom. Il n'y a que l'inspecteur qui revient tout le temps. Alors lui, il est poète, par ailleurs, cinéphile aussi. Alors ça fait on pense au corbeau de Clouzot à certains moments. La référence est claire. Et puis il y a aussi, là, il travaille sur cette affaire qu'est-ce qu'il y a au centre de l'affaire ? On ne sait pas, on ne saura jamais. Hein, il travaille sur cette affaire avec un adjudant-chef qui ne supporte pas. D'ailleurs, l'adjudant-chef va mystérieusement disparaître aussi dans le récit, vers la fin du récit. Et petit à petit, on est perdu dans plein d'hypothèses, plein de choses, plein de récits qui se croisent, des noms qui n'arrêtent pas de changer. Il y a quelque chose de terriblement instable. Et en même temps, dans certains des dialogues ou des monologues, on a des dialogues. Alors, on a des dialogues, mais c'est un dialogue où l'autre, on n'a jamais les répliques. Donc, c'est un dialogue seul. Faut réussir, hein. C'est un dialogue que je fais tout seul. Bon. Vous avez bien réfléchi dans le studio, un dialogue voilà. Seul. Ça plairait voilà. Énormément à Dario Jaramillo. C'est possible. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça très bizarres. Et en même temps, c'est bourré d'humour. On rigole, il y a des choses drôles, il y a des ruptures dans le ton du langage. Parfois, c'est très solennel, puis tout d'un coup, ça retombe sur un langage au ras des pâquerettes avec cet inspecteur qui en a marre, puis qui ne croit pas, puis bon, et qui dialogue avec quelqu'un qui ne lui répond pas. On devine les réponses, mais on ne les voit jamais. Donc, c'est très, très paradoxal. Et puis, au bout du compte, et c'est peut-être l'objet des deux livres, alors ça. Quand je vais dire ça, ça va faire peur à plein d'auditeurs. Ouh là là, livre un télo possible. Non, pas du tout. C'est drôle, on s'y amuse beaucoup. Et derrière, en fait, il y a une sacrée réflexion sur qu'est-ce que c'est que la littérature, qu'est-ce que c'est que la fiction, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire. Parce que ces personnages sont pris dans des récits qui les font exister malgré eux, pas comme ils voudraient, et il va se passer des choses. Je ne vous livre pas la fin. Ce serait trop acrobatique. Puis il faudrait que je termine dans le silence, en m'effaçant. D'ailleurs, voilà. Le silence. L'ombre d'un doute. L'ombre d'un doute, hein, comme disait ce cher Hitchcock, Shadow of a Doubt. Oui. Hein, un grand film d'Hitchcock. Alors, voilà. Eh bien, nous allons laisser partir à tous les airs la ritournelle. Et est-ce qu'on va avoir le temps ? Oui, on a quelques minutes pour on peut dire quelques parler mots d'un auteur qu'on va dire, je vais dire d'actualité, oui. Pas simplement parce qu'il y a une anthologie qui vient d'être éditée il n'y a pas très longtemps, non. Dans la célèbre collection Poésie Gallimard, mais parce qu'il est mis à l'actualité par le fait qu'on est en 2017, 100 ans après la Révolution d'Octobre, et qu'il en fut un des acteurs poétiques essentiels, Vladimir Mayakovsky. Oui, c'est une belle anthologie qui a été rééditée Je regarde la date, pour ne pas vous dire bêtises, le 8 février 2017. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de récent. Je dis ça parce que des anthologies de Majakovski, on en trouve chez d'autres éditeurs. Là, il s'agit de cette belle petite collection, Poésie Gallimard, qui, du reste, connaît un franc succès de librairie constant depuis, je crois, quasiment une cinquantaine d'années. Voilà. Donc c'est. Alors, je vais passer. C'est la collection de poésie, oui, de référence absolument, pour beaucoup de lecteurs français. Voilà. Et je ne vais pas hasarder à gloser autour de Majakovski. De toute façon, nous n'en avons pas le temps et c'est pas tout à fait l'objet. Je vais simplement me contenter. Marc l'a dit. Hein, le contexte historique, c'est la révolution russe, la mise en place de ce régime de fer qui était d'abord Lénine et ensuite celui de Staline. Majakovski en a été une des figures fondatrices de la poésie en URSS à cette époque-là, en Russie-URSS. Et puis, il a connu quelques déboires à la fois personnels, sentimentaux et politiques, tant et si bien qu'il s'en est suicidé. Je vais vous lire simplement ça. D'un coup, le fer des rails injecta dans leurs veines, sous le hall rural, la contagion urbaine, où chantaient les oiseaux, cliquetis de cymbales, au lieu d'un bois, une place de Sodome ou Sandome. En faune de 6 étages se ruait dans ce bal, maison close après maison close. Le soleil soulève sa tête rouge, sa gueule de bois cuisant dans l'enflure de sa bouche, et pas la force de s'abstenir d'un coup de gnôle, ni de ne pas retourner la nuit dans les bouges. Et la nuit, négresse vénale, ne parvient pas non plus à se coucher à l'ombre en paix sur ses chairs enflammées, à grimper un nouveau jour affamé. Voilà, c'était Vladimir Majakovski, une anthologie qui s'intitule « À pleine voix » et que je ne peux que vous recommander grandement. Tu aurais pu nous le lire en version originale. Je te laisse ce plaisir, Marc. En l'écoutant, je pensais, c'est souvent des éditions comme ça, c'est vrai que c'est précieux d'avoir la version originale. Si on lit un tout petit peu la langue, quand même. Oui. Par exemple, tu parles, le poème, ça m'a frappé, parler de personnage qui a une tête rouge. Oui. Et il se trouve que en russe, le même mot dit rouge, mais aussi dit beau. Oui, la oui. place rouge, c'est aussi la belle place. Donc, est-ce que c'est la belle tête ou la tête rouge? Le traducteur, en l'occurrence, s'appelle Christian David. Et oui, puis, c'est important de préciser. Nous avons n'oublions dans le studio, pas les traducteurs. Nous avons dans le studio quelqu'un qui a traduit un livre, si je ne me trompe pas, qui nous en a parlé en tout début d'émission. Et on sait très bien que la traduction, c'est une des multiples façons de trahir le texte et de le réécrire. Oui. Voilà. Voilà, alors on va terminer juste avec une petite actualité de la librairie. Oui. La saison n'est pas finie, oui. La saison, on va dire, 2017, avant que vous précipitiez pour les fêtes, vous pourrez vous précipiter pour rencontrer un auteur. Dernière rencontre pour l'année 2017. Le 30 de ce mois, à partir de 19h à la librairie du Grain des Mots à Montpellier, viendra Yannick Hanel, qui est prix Médicis, tout récent prix Médicis, pour son dernier ouvrage, son dernier roman qui s'intitule « Tiens ferme ta couronne ». Le 30 de ce mois, librairie le du Grain des Mots, novembre. À partir de 19h. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, nous remercions de nous avoir consacré du temps, de vous avoir, à vous, auditeurs, consacré du temps. Mathilde. Merci. Merci Mathilde, tu reviens quand tu veux. Pour tous les tomes, on a bien dit. Hein. Voilà. C'est un contrat. Et pour d'autres découvertes littéraires. Merci Françoise. Merci, merci à vous. Aussi, notre spécialiste de littérature hispanique. Merci à la traductrice Laurence Olvaette. Ben merci de nous avoir accueillis avec Dario Jaramillo. Voilà. Agudelo. Agudelo. Parce que c'est private joke, c'est que je non, parce qu'il y arrive. Agudelo au début. Il y arrive enfin, c'est pour voilà. ça. Je pars. On va tout trahir, allez. Voilà, j'y suis enfin arrivé. Merci Christian. Eh bien, de rien, ta complicité. Marc. À la prochaine, donc. Merci à toutes et à tous. Et j'oubliais à la technique Pierre-Jean, et vous êtes bien sur Radio Clapas 93.5. Uh-huh.